seguin, empli de joie par cette fumée. Ils perdent la voix dans la bouffée. Sur la place s'efface et part. Il s'égare perdu dans ses pensées. Tombe dans la mare de l'oublier. Il se relève et soupire sur le pire. Cigare sur la place. Et part. L'ivresse s'éteint. Elle tombe. Lamentable. Sur ce monde. Les hommes s'éteignent. Ce minable cigare qui loin s'égare. Cigare sur la place s'efface et part. Sur la place s'efface et part.